Сначала я читаю быстро, потом медленно. Combien coûte un ticket? Сколько стоит билет? Combien coûte un ticket? Еще раз. Combien coûte un ticket? Il y a une réduction. Есть скидка. Il y a une réduction. Il y a une réduction. Je paye par carte. Я оплачиваю картой. Я плачу картой. Je paye par carte. Je paye par carte. Je paye par carte. Je paye en espèces. Я плачу наличными. Je paye en espèces. Je paye en espèces. Je voudrais un remboursement. Я бы хотела получить возврат средств. Je voudrais un remboursement. Je voudrais un remboursement. Je voudrais un remboursement. Combien coûte un ticket? Il y a une réduction. Je paye par carte. Je paye en espèces. Je voudrais un remboursement. А сейчас повторите вы самостоятельно, сначала не спеша, а потом можете темп прибавить и повторить 5-7 раз.